Le son joué de Tfilé et mon flow, ben fais-moi la même instru, mais tout pareil. Dis quoi là? J'annonce plus, hein. Eh, c'est grave en fond. Franchement, c'est quoi? J'ai lui qui regarde le son. Eh, c'est grave en fond. Elle va faire comme toi, genre.